Des envies, on se laisse emporter par le flot de la vie. On va tous quelque part, on s'enfuit au hasard. On détourne le regard, on se cache pour mieux voir. On n'a pas fait mieux que le passé. On n'a pas fait mieux que le passé. On n'a pas fait mieux que le passé. Comme si on les a oubliés. On tourne en rond à dire pardon. On est gentil mais on est con. Ou s'échouer sans se blesser. Ou dériver sans se noyer. On suit des routes, on prend des chemins. On marche contre le tout dans ce temps. Non, là, non. On n'a pas fait mieux que le passé. Attire les enfants pour oublier.